Yeah. Thank you. criminalist. Watch the people keep on listening to the game. Who's it on the back? Mama, mama, Mr. Parker, what's it with you? C'est que je suis pas méchant, mais je peux être dangereux sans faire exprès. Je suis pas un petit écolier de lui. Je suis pas tout sec, mec, je suis pas tout sec, non. Parle pas mal de mes faces, tu les as pas lu dans le monde. Quand j'ai bien l'eau, tu défonces comme une pipa. Si tu as la plate de l'eau, j'aurais dit c'est un peu de micro. Mais c'est rien, merci pas ça pour la rime. Pas ça, on va être trop marié. Même tes copines, tu es un espéreur. Des gaines, c'est un trop tueur. Je smile, c'est pas un peu pour un tu de mon âme. Avec mes faces, tu te fais quand ils écrasent un petit morceau. Y a l'espoir de l'espoir qui vit. Faut que ce monde se mord à plus. Et du plaisir. We'll be right back.